des sound system, là-bas London, Kingston, Jamaica. Attention la raga, loco loco raga, embarquement illico presto. Destination le Bamako, Viayande et le Togo.